L'Association étudiante de biologie médicale vous invite au Screw Party au Monkey Night Club. On vous remettra une vis ou un boulon selon que vous êtes un homme ou une femme. Chaque couple qui parvient à faire le match de leur vis-boulon pourra se mériter un des nombreux prix. Procurez-vous vos billets près de la cafétéria de l'UQTR pour seulement 4$. Faites vite! Les mardis de la relève du Gambrinus. Tous les mardis dès 21h, viens découvrir des bands qui ont du talent. Nombreux prix de présence. Les gagnants de cette 14e édition mériteront plus de 10 000 en prix, dont des séances d'enregistrement studio et de la diffusion sur les ondes de C'est Fou. Les mardis de la relève du Gambrinus, une collaboration Frères d'Anc, TV Cogeco, La Barrique, Festivois, Studio Voxtone, Musique Daniel Côté, Studio Newton, Production Joshua et C'est Fou 89.1. Ta blonde ou ton chum te fait de la brume dans tes lunettes? Eh bien, débarrasse-toi-en. Les lunettes, bien sûr. Chirurgie au laser pour enfin être libre. Chirurgie Vision, 819-693-5757 ou sur le net, voirclair.ca. C'est fou! 89-1-1. Rouge démon. Y'a beaucoup de villes qui ont été chantées mères, rien n'est jamais tout rose et c'est le cas de ma cité. N'en déplaise à Nougaro, à Cherfi, à Sicro, Famouze. Pour y vivre ou y mourir, Montréal vaut bien Toulouse, Montréal vaut bien Toulouse. Pour y vivre ou y mourir, Montréal vaut bien Toulouse, Montréal vaut bien Toulouse. Il y a beaucoup de villes qui ont été chantées mères, rien n'est jamais tout rose et c'est le cas de ma cité. N'en déplaise à Nougaro, à Cherfi, à Sicro, Famouze. Pour y vivre ou y mourir, Montréal vaut bien Toulouse, Montréal vaut bien Toulouse. Pour y vivre ou y mourir, Montréal vaut bien Toulouse, Montréal vaut bien Toulouse. Je suis pas né à Montréal, mais j'y mourrai peut-être un jour, puisqu'il faut finir quelque part. Sur Sainte-Catherine, ce serait pas mal, non? Une mort cloquée pathétique, entourée de putes, de flics, les unes pleurant, les autres crachant. Et moi aux anges, en me disant que Montréal n'est pas la ville rose, mais quand même elle s'impose, c'est pas dur de mourir d'amour à Montréal. N'est pas la ville rose, mais quand même elle s'impose, c'est pas dur de mourir d'amour. Au milieu du parc La Fontaine, entouré de chiens et de chiennes et de leurs maîtres tenus en laisse, qui chuchoteraient comme à la messe. Au milieu du chant des oiseaux qui, si ce jour-là il fait beau, me siffleront des chants d'amour. En tout cas, c'est ce que je me dirais, car Montréal n'est pas la ville rose, mais quand même elle s'impose, c'est pas dur de mourir d'amour à Montréal. N'est pas la ville rose, mais quand même elle s'impose, c'est pas dur de mourir d'amour à Montréal. N'est pas la ville rose, mais quand même elle s'impose, c'est pas dur de mourir d'amour à Montréal. N'est pas la ville rose, mais quand même elle s'impose, c'est pas dur de mourir d'amour. Que l'on meurt à Montréal, on meurt entouré, c'est fatal de déchets de passion, de glamour. Usé avant le point du jour, dans le bas-ventre de cette ville, les rues des filles sont fertiles de la beauté, et la laideur ne vient qu'après. Montréal n'est pas la ville rose, mais quand même elle s'impose, c'est pas dur de mourir d'amour à Montréal. N'est pas la ville rose, mais quand même elle s'impose, c'est pas dur de mourir d'amour à Montréal. N'est pas la ville rose, mais quand même elle s'impose, c'est pas dur de mourir d'amour à Montréal. N'est pas la ville rose, mais quand même elle s'impose, c'est pas dur de mourir d'amour. Il y a beaucoup de villes qui ont été chantées mères, rien n'est jamais tout rose, c'est le cas de ma cité. N'en déplaise à Nougaro, à Cherfi, à Sicro, Famouze. Pour y vivre ou y mourir, Montréal vaut bien Toulouse, Montréal vaut bien Toulouse. Pour y vivre ou y mourir, Montréal vaut bien Toulouse, Montréal vaut bien Toulouse. Et Montréal n'est pas la ville rose, mais quand même elle s'impose, c'est pas dur de mourir d'amour à Montréal. N'est pas la ville rose, mais quand même elle s'impose, c'est pas dur de mourir d'amour. De mourir d'amour. De mourir d'amour à Montréal. Pas la ville rose, mais quand même elle s'impose, c'est pas dur de mourir d'amour à Montréal. Pas la ville rose, mais quand même elle s'impose, c'est pas dur de mourir d'amour à Montréal. Bonjour à toutes et à tous. Vous êtes à Cifou 89.1 FM, la radio campus de Trois-Rivières. Bienvenue à Connaître ensemble, l'émission pour tout savoir en périnatalité par les étudiantes du baccalauréat en pratique sage-femme de l'UQTR. Mon nom est Jessica Boulanger et je serai votre animatrice aujourd'hui. Avertissement, les propos tenus lors de cette émission représentent exclusivement l'opinion des membres de l'équipe de l'émission et ne peuvent être associés à aucune autre organisation. Ils ne reflètent aucunement l'opinion des sages-femmes. Alors, aujourd'hui, nous allons parler de l'art social dans le contexte de périnatalité. L'expression créative est un moyen qui peut apporter de profonds changements sociaux. À travers l'art, nous pouvons questionner des suppositions ancrées socialement, telles que les frontières entre le soi et l'autre, le présent et le passé, la normalité et l'abnormalité, la binarité homme-femme. Par leur création, les artistes peuvent susciter de nouvelles idées, catalyser la pensée critique, amener de nouvelles actions et inspirer leur communauté. L'art peut être un geste politique pour faciliter le changement social, comme l'humanisation des naissances, tout en promouvant le respect, l'amour et la beauté. Ça peut aussi permettre de jeter une lumière sur des tabous sociaux tels que le deuil périnatal afin d'exposer des vécus qui sont marginalisés. Les artistes vont faire beaucoup appel à l'imaginaire et une création peut nous amener à nous questionner et à prendre conscience de certaines réalités. Au cœur de l'art social, c'est une croyance profonde à l'expression culturelle et créative comme moyen d'apporter des changements sociaux durables. Comme le proverbe le dit, une image vaut mille mots. En première partie de l'émission, nous aurons la chance d'accueillir deux invités, une invitée extraordinaire qui est en fait une personne qui était comédienne dans la pièce Chaleur, beauté et mort. Alors, c'est la personne a participé à la création de la pièce Beauté, chaleur et mort. Son art est à la fois créatif et provocateur qui aborde un sujet assez tabou et qui touche plusieurs familles québécoises, le deuil périnatal. On va discuter avec elle de son cheminement artistique et des répercussions sociales de sa pièce. En deuxième partie, on va accueillir Lorraine Fontaine, qui est coordonnatrice au regroupement Naissance Renaissance et militante dans le groupe des accouchiantes. Elle nous parlera des accouchiantes et de leur engagement dans la cause de l'humanisation des naissances à travers leur action et réflexion créative. Donc, la pièce « Beauté, chaleur et mort » est un docu-fiction qui retrace la naissance et la mort d'un enfant. La pièce va faire l'autopsie d'un couple dans l'abîme du deuil. C'est un poème qui est viscéral, qui est dédié à ceux qui ont été frappés par la foudre et qui se sont réveillés au milieu des débris, étonnés d'être toujours vivants. Pièce de résilience, preuve d'amour bancal, chanson militante, ce spectacle est tout à la fois. Alors, on va dès maintenant accueillir la personne interprétatrice. Alors, bonjour. Oui, bonjour. Bonjour Pascal, comment ça va? Ça va très bien, toi? Oui, merci. Mm-hmm. Alors, donc, comme première question, on aimerait savoir pourquoi le titre « Beauté, chaleur et mort » ? Ah, ben écoute, c'est vraiment un titre qui fait référence pour moi à l'accouchement que nous avons vécu à cette occasion parce que nous avons eu trois enfants, Nini et moi. Je suis donc, par rapport au projet, j'étais donc auteur, comédien, mais aussi le conjoint de Nini depuis 18 ans. Donc, le titre fait référence à ce qui est arrivé, c'est-à-dire cette espèce... Nous, on avait accouché à la maison, c'était notre deuxième enfant. Et donc, ça a été un accouchement qui était formidable, qui s'est très, très bien passé, et qui ensuite est devenu une catastrophe. C'est-à-dire que la naissance des événements ont dégénéré, et donc, nous avons perdu l'enfant. Donc, c'était beauté, chaleur et mort. OK. Et ça, le deuil occupe une place centrale dans votre pièce. Oui. Et c'est comme un sujet assez tabou sur la place publique. On se demandait pourquoi vous avez choisi ce thème. Écoutez, en fait, c'est une expérience que nous avons vécue, nous, personnellement. Ça fait 10 ans de ça, c'est important de le dire aussi. Évidemment, ça a été une expérience très marquante. On peut même dire qu'il y a avant et il y a après. Et moi, comme auteur, cette idée-là, après 10 ans, de me dire, est-ce que je peux revenir sur cette expérience-là? J'avais écrit un texte qui a été pris par Nini, qui m'a demandé donc si elle pouvait le mettre en scène, et après elle m'a demandé si on pouvait le jouer. Et c'est-à-dire que l'expérience du deuil, surtout celui d'un enfant, c'est une tragédie, et on se demande ensuite ce qui va arriver après, c'est-à-dire est-ce qu'on peut vivre après ça. Et on voulait parler de cet état-là avec la pièce. Donc c'est ça, la pièce de théâtre est en partie votre histoire. Totalement basé sur notre histoire. C'est ce qui est très particulier avec ce projet-là. C'est-à-dire que on s'est posé la question, est-ce qu'on peut nous-mêmes aller raconter notre histoire sur scène? Est-ce qu'on a le droit de faire ça? C'est la base du projet, en fait. Et est-ce que le processus de création est venu jouer un rôle dans votre cheminement de deuil? Ah, bonne question. C'est-à-dire que, en fait, c'est plutôt le cheminement de deuil qui nous a amenés au processus de création. On n'aurait pas pu faire ça si le deuil n'avait pas été fait. On n'aurait pas pu en parler parce que l'important, c'était pas de se servir de l'art pour faire le deuil, c'était de questionner ce qu'on avait vécu. Et si on n'avait pas été assez solide, c'est sûr qu'on ne serait pas rentré dans le processus parce que ça a été quand même assez dur. Et c'était quoi votre objectif en créant la pièce? Ben, il y en avait plusieurs. je te dirais, à la base, évidemment, c'était d'essayer de toucher ce moment-là qu'un être humain vit une fois que le choc arrive. Et ça peut être élargi à plus que le deuil. Ça peut être, pour certaines personnes, ça peut être de perdre un emploi, ça peut être de se faire quitter, ça peut être ce moment-là où la vie bascule, hein, les minutes qui suivent. Et donc ça a été c'était une des choses qu'on voulait toucher. L'autre chose, c'était une question artistique, c'était de dire qu'est-ce qui arrive quand un spectateur est placé devant quelqu'un qui raconte sa propre histoire. Et donc, comment réagit-on à la douleur d'autrui, la vraie? Et c'était pour ça qu'on voulait donc le faire nous-mêmes et non pas passer par des comédiens. C'est très intéressant. C'était quoi votre message à la base avec cette pièce? C'est quoi vous vouliez amener au public? Ah, ben écoute, le théâtre, c'est un peu particulier pour ça. Parce que je pense pas qu'on peut arriver en se disant « voilà le message ». Je crois qu'on essaie de toucher à quelque chose et que chaque spectateur, ensuite, repart avec ses propres questions. Et le projet amenait des choses qui étaient assez fortes pour questionner chaque spectateur comme là où il était rendu. Il y a des gens qui ont vu le spectacle qui avaient perdu des enfants. C'était des spectateurs qui avaient donc un point de vue particulier et qui étaient, si tu veux, qui voyaient le spectacle par rapport à leur propre histoire. Il y a aussi des gens de théâtre qui sont venus voir le spectacle et qui étaient beaucoup plus interpellés par ce qui était présenté sur scène, sur le rapport de voyeurisme, sur le rapport de réalisme aussi, d'hyper-réalisme. Et puis, il y avait des gens, tout simplement, qui venaient nous voir et qui se faisaient raconter une histoire terrible, mais qui était racontée avec beaucoup d'humanité et d'humour. Et justement, ça m'amène à l'autre question. Pourquoi vous avez choisi le théâtre comme mode d'expression pour votre expérience? Ah, ça, oui. Ben écoute, le théâtre, c'est au cœur de notre vie depuis très longtemps. Je te dirais même que c'était... c'est ce qui a généré, si tu veux, un peu notre histoire d'amour. Dans le sens où on est deux passionnés de théâtre et c'est un peu là qu'on s'est rencontrés quand on avait 20 ans. Moi, j'écrivais avant de perdre un enfant. Et Nini aussi, on faisait du théâtre depuis fort longtemps. Et donc, ça, c'est arrivé dans notre vie. Et 10 ans après, on a été capable d'en faire une pièce. Mais c'est à moi une expression qu'on fait du théâtre depuis très longtemps, en fait. Puis, c'est quoi vous pensez que la pièce peut apporter comme réflexion sociale sur le deuil? C'est intéressant. En fait, c'est un deuil très particulier parce que c'est le deuil d'un enfant. Mm-hmm. C'est un deuil dont on parle très, très peu au niveau social. Et donc, écoute, je peux même te dire que dans la langue française, il n'existe même pas de nom pour nommer, pour identifier un parent qui a perdu un enfant. Donc, c'est une réalité qui est complètement évacuée de notre société parce qu'elle est trop douloureuse. Et donc, d'ailleurs, pour beaucoup de spectateurs, c'était, je pense, avant de venir voir le spectacle, quelque chose d'un peu difficile. Mm-hmm. Et grâce au spectacle, on arrivait, disons, à les atteindre, à les toucher aussi par l'humour, par l'humanité. Mais je pense qu'il y a beaucoup de gens qui avaient tout simplement peur de venir voir ce spectacle-là. Donc, socialement, c'est de simplement essayer d'ouvrir une porte sur une réalité dont on parle très, très peu et de rentrer en contact avec cette douleur-là parce que ça fait partie de la vie aussi. C'est pas parce qu'on n'en parle pas que ça n'existe pas. Donc, c'est l'autre partie, c'est que tout le monde porte des histoires de deuil. Tout le monde a ça, soit dans sa famille, soit qu'il a vécu de proche, tu vois. Et tout d'un coup, on rentre en contact avec toutes ces histoires-là. Et ça donnait un moment très intéressant, je pense. Et vous soulevez un point, que le deuil, c'est quand même une expérience assez qui relève du personnel, de l'intime. Mm-hmm. Fait que, comment vous êtes pris pour l'amener sur la place publique? Parce que c'est quand même un sujet assez tabou, difficile à aborder. Donc, on se demandait... Comment vous trouviez de la façon... pourquoi l'avoir abordé justement avec l'humour, tout ça? Bien, c'est-à-dire qu'il y a plusieurs façons de parler du deuil. On aurait pu prendre une façon poétique ou esthétique. Notre choix, ça a été un choix très radical. Ça a été d'y aller vers l'authenticité. C'est presque du documentaire. Du documentaire, mais sur une scène. Donc, on commençait carrément avec nos enfants, qui étaient dans nos meubles. Et c'est nos meubles qui composaient le décor. Donc, les gens rentraient sur scène, il y avait notre vie de famille, la fin de soirée avec les devoirs, le peignage de cheveux, les petites disputes, tout ça qui était là, qui était improvisé tous les soirs. Et puis, tout d'un coup, les enfants sortaient, et là, on se tournait vers les gens, on les regardait dans les yeux, et on se mettait à raconter l'histoire qui nous était arrivée. Donc, il y avait un aspect très frontal, très « voici les faits ». Oups, excusez-moi. Et après, oups, on plongeait dans l'histoire. Et ça nous permettait d'avoir une distance toujours avec ce qu'on était en train de raconter, donc de pouvoir en sortir. Et quand je dis qu'il y avait de l'humour, c'est aussi parce que l'humour fait partie de la vie. Mm-hmm. Et donc, même quand on pleure, on rit. Il y a des choses ridicules qui arrivent, même dans ces moments-là. Et donc, ça nous apparaît encore plus drôle, si tu veux. Mm-hmm. Parce qu'on rit et on pleure du ventre. Ça, c'est une découverte, ça. C'est après avoir pleuré si longtemps, se mettre à rire et se rendre compte que les mêmes choses, les mêmes muscles fonctionnent pour les deux activités. Puis, en fonction de vos autres expériences théâtrales, est-ce que ça a été plus difficile de mener à terme ce projet-là? Ah, complètement. Complètement. Ce projet-là, je te dirais, une fois dans une vie. C'est-à-dire que j'ai fait des projets qui étaient... J'ai fait toutes sortes de projets très fous là, dans ma vie. Mais celui-là, ça a été vraiment, vraiment le plus risqué. Et ça a été d'autant plus agréable de se rendre compte que les gens le recevaient après avoir pris un tel risque. Parce que c'est un... On s'est vraiment mis en danger cette fois-ci. Déjà, travailler avec sa conjointe dans un projet de théâtre qui est extrêmement prenant, ça ramène plusieurs dimensions au travail. Il y avait les comédiens, la metteur en scène, l'auteur et le couple qui travaillaient ensemble. Ça fait beaucoup de monde pour deux personnes. Donc, oui. Donc, un grand risque cette fois-ci, oui. Puis, comment vous avez trouvé votre expérience d'interprétation? Tu veux que je te réponde la vérité? Oui, allez-y! En blague, c'est bon, j'ai beaucoup d'amis qui sont dans le domaine du théâtre, puis je fais des blagues, je leur dis, avant je respectais les comédiens, maintenant je les trouve simplement fous de vouloir faire ce métier-là. C'est un métier qui est très dur, c'est un métier qui demande surtout d'agir sous le stress. C'est-à-dire que moi, comme auteur, ça fait longtemps que je fais du théâtre, et puis là, tout d'un coup, je me suis rendu compte que le soir de la première, j'étais scié en deux, mais que c'est là qu'il fallait que je commence à travailler. Alors que généralement, le stress, ça va, là, tu vois. Et c'est ça. Je trouve que, pour moi, j'ai pas de plaisir à jouer. J'ai pas ce don-là. Je trouve que les gens qui décident d'être acteurs ont quelque chose de très particulier dans leur démarche. En ce qui concerne la réception de la pièce, comment elle a été reçue auprès du public? Ah, ça, c'est intéressant. De différentes façons. C'est-à-dire que je pense qu'il y avait... c'est un objet très bizarre, nécessairement. En même temps, c'est un objet vrai. Donc, il y avait une espèce de... Bon, nous, on avait vraiment peur de passer à côté ou de pas réussir à en faire une pièce de théâtre qui s'écoute. C'est-à-dire de rester au niveau, si tu veux, de la tragédie qu'on avait vécue. Mais finalement, je pense qu'on est arrivé à passer par-dessus ça pour présenter une pièce. Et donc, je pense que ça surprenait beaucoup les gens qui venaient le voir, qui s'attendaient à recevoir une espèce de, justement, de thérapie, mais qui se trouvaient devant un objet qui était beaucoup plus complexe que ça et plus intéressant. Alors, les réactions, je dois dire, ont été vraiment très, très bonnes. Et c'est quoi, vous pensez, les retombées sociales de votre pièce? Ça, je sais pas, dans le sens où je suis pas à même d'en juger. Mais d'après les commentaires reçus, les critiques... C'est sûr que pour ce qui est des parents qui avaient vécu la même chose que nous, c'était super intéressant. On a eu beaucoup de gens qui sont venus nous voir après la pièce, quand on sortait de la loge, et qui venaient nous parler de leurs histoires. Et je pense que ça crée une espèce d'espace pour ces gens-là. Ça crée aussi une réflexion pour les gens qui assistent au spectacle à côté d'eux, en disant, bon, moi, je suis dégagé de ça, mais en même temps, il y avait une espèce d'énergie qui se transmettait. J'espère que ça a pu permettre à des gens de se parler de ces histoires-là, qui sont des fois très dures à porter. Peut-être briser un peu la solitude face au deuil, en fait. OK. Comment vous voyez votre pièce s'inscrire dans le contexte d'humanisation des naissances, de ce mouvement-là, d'aborder toute la maternité, la parentalité? Donc, comment vous voyez qu'elle s'inscrit? C'est sûr que c'est un aspect qui, moi, m'intéresse, mais qui intéresse encore plus Nini, parce que Nini, dans une autre vie, a été accompagnante à la naissance, donc en hôpital, et a aussi été assistante sage-femme. Donc, c'est un domaine qu'elle connaît très, très, très bien et qui, d'ailleurs, était beaucoup exploité dans le spectacle, dans le sens où tout était crédible au niveau des interventions. Je pense qu'on avait... Bon, nous, on a couché trois fois de trois façons différentes. Donc, une fois à l'hôpital, une fois à la maison, puis une fois à la maison de naissance. Et on est assez militant, si vous voulez, par rapport au mouvement sage-femme. Dans le sens où pour nous, c'est un choix qui a été clair et on pense aussi que c'est comme le mouvement dans lequel la société devrait aller au niveau de la naissance et de la périnatalité. Et je pense que ça transparaissait dans le propos du spectacle. Bon, il y a un rapport aussi avec l'hôpital dans le sens où on est... je pense pas qu'il faut juger ce qui se fait à l'hôpital. Il faut simplement se poser des questions sur ce que nous, on a envie comme parents, parce que souvent, l'hôpital nous traite un peu comme des patients. Or, on n'est pas malade. C'est un choix qu'on a fait d'avoir des enfants. Mm-hmm. Vous comprenez? Oui. Donc, c'est ça un peu. Je pense que ça transparaissait dans le propos de la pièce, oui. Et est-ce que ce projet-là, ça vous donne envie de continuer dans cette voie? Ce projet-là qui a donc été très dur à porter et qui a reçu, qui a été très, très bien reçu par le public et la critique, moi, me questionne ensuite sur ce que j'ai envie de faire après. Je pense pas qu'on puisse le refaire. Je pense pas qu'on puisse faire quelque chose d'aussi profond et d'aussi fort, parce que, bon, là, c'était 18 ans de vie avec une personne, la mort d'un enfant, tout ça dit de façon très réaliste. C'est un moment dans une vie, tu vois. Comme créateur, on touche ça. Mais il faut pas essayer de le recréer, parce que sinon, ça deviendrait faux. Or, c'est l'inverse de la démarche qui veut, justement, être dans le vrai. Mm-hmm. Sauf que maintenant, je me pose la question, que fais-je? qu'est-ce que je vais faire maintenant? Je ne sais pas vraiment et je pousse pas pour le savoir trop vite. Il faut que des choses se déposent et puis que tout d'un coup, les idées ressurgissent. OK. Mais je vous remercie grandement pour l'entrevue. Ça a été vraiment apprécié. Je crois que tout ce que vous avez dit nous a permis de vraiment plus explorer votre pièce. Donc, je vous remercie beaucoup. c'est moi qui te remercie. Et puis, bonne émission. Merci beaucoup. Au revoir. Au revoir. Alors, c'était Pascal qui était auteur et comédien dans la pièce « Beauté, chaleur et mort ». Alors, on va maintenant s'en aller en musique avec l'ensemble Insurrectionnel Chaotique. C'est une fanfare de rue basée à Montréal. Selon leur mission, le répertoire comprend des chansons à caractère politique qui témoignent de leur lutte contre l'oppression à travers le monde. Ces chansons sont des références historiques pour la culture de résistance dans laquelle elles s'inscrivent, jouant dans le but d'inspirer leur communauté. Elles cherchent à se réapproprier les espaces publics, d'apporter plaisir et enthousiasme au mouvement politique et célébrer la résistance d'une manière qui reflète leur vision du monde dans lequel les fanfaristes souhaitent vivre. Alors, on va écouter leur chanson « À las barricadas ». En génie, la Banque nationale vous accompagne pendant vos études et vous offre un programme financier très avantageux, conçu pour vous et adapté à vos besoins. Rencontrez un conseiller dès aujourd'hui à votre succursale au 5620 boulevard Jean 23 pour en savoir plus. De plus, courez la chance de gagner un voyage dans les Alpes. Tous les détails sur banquedesingénieurs.ca. La Banque nationale, votre partenaire durant vos études. Notre mission, pour vous, avec vous. Les étudiants de l'UQTR sont notre raison d'exister. Plusieurs services vous sont offerts. Ateliers d'aide aux études, services d'orientation et de psychologie, également des services tels le logement, la mobilité étudiante, sans oublier le service de prêt et bourse, ainsi que la présence d'une infirmière et d'un médecin. Tous ces services et plus sont pour vous, avec vous. Venez nous rencontrer au 1275 pavillon Albert-Dessier de l'UQTR. Le service aux étudiants, pour vous, avec vous. Mettez-vous en plein la vue sur la relève. 5 au 23 avril, au Rialto, La Tulipe, Lion d'Or, Gymnase, Divan Orange et au Mai. 15 soirées exaltantes où originalité, nouveauté et découverte sont au menu de cette manifestation printanière unique. Ici Isabelle Blais, porte-parole du 16e Festival Vue sur la Relève, commandité par Loto-Québec en collaboration avec Québecor. Venez découvrir 38 nouveaux spectacles. Des créateurs de toutes les disciplines des arts de la scène vous en mettront plein la vue sur la relève. C'est un rendez-vous. Information vuesurlarelève.com. Mamma mia, de la bonne pizza! Restaurant Botan Pizza, toujours 2 pour 1, au 3097 Boulevard des Forges, 694-2694, au plaisir de vous servir. C'est fou dans vos oreilles. 89. Rebienvenue à l'émission Connaître ensemble. On va continuer avec la seconde entrevue, qui est une militante dans les Accouchiantes. Alors, les Accouchiantes sont un groupe qui organise des actions subversives et créatives qui suscitent la réflexion sur la place de la périnatalité au Québec. C'est un groupe de militantes à la fois autonomes et chapeautées par le RNR. Elles utilisent l'art, l'humour et l'absurde, nous amenant à prendre conscience de la réalité de la maternité aujourd'hui et en catalysant notre pensée critique face à ce sujet-là. Nous allons accueillir Lorraine Fontaine, coordonnatrice du regroupement Naissance-Renaissance et une accouchante. Alors, bonjour Lorraine. Bonjour. Alors, d'où est née l'idée du groupe des accouchantes? Ben, ça venait d'une une formation qu'on a fait il y a quelques années avec Majo Anzotte, une grande dame de la déconstruction et du travail, je dirais, sur l'art communautaire aussi. Et donc, avec elle, on a pris 2 journées pour essayer de comprendre comment on passe du je au nous et du nous au nous toutes et nous tous. Donc, l'idée, c'est d'essayer de regarder ensemble où sont les événements dans nos vies qui sont injustes, de nommer le tort subi et ensuite de voir comment on a des éléments en commun. Fait qu'après quelques journées de formation avec elle, elle nous a ensuite montré comment faire de la déconstruction. Et là, on s'est mis à avoir un plaisir fou. Et on a inventé, suite à une histoire d'accouchement où, dans le fond, on voyait, un peu avec humour, le médecin Dieu qui disait à la femme, c'est moi qui sais mieux que toi, comment tu vas accoucher, etc. Donc, ça suscitait toute une réflexion autour de l'accouchement puis du jeu de pouvoir entre la femme et le médecin et même le système de santé. Donc, on avait inventé cette idée qu'on irait dans les toilettes, dans les universités où ce qu'ils enseignent la médecine, puis on accrocherait sur les murs des phrases qu'on dit aux femmes quand elles accouchent. Vas-y, pousse plus fort que ça. Si tu réussis pas à le sortir, on va te couper, puis etc. Puis on était un peu chiantes dans nos interventions, dont est sortie l'idée des accouchiantes. Et c'est quoi le lien entre le groupe des accouchiantes et les saraudeuses? Ben, les saraudeuses, c'est quelque chose qui, dans le fond, les deux choses sont un exemple d'art communautaire. Dans le fond, d'art qui est au service d'une action communautaire, d'une mission communautaire, d'un geste. Et il y a plusieurs années, c'était le 25e anniversaire du RNR, il y a 5 ans, et on préparait l'événement pour fêter ça. Et on a eu, pour préparer ça, l'aide d'une artiste avec laquelle on a réfléchi. Quel serait notre message? Comment peut-on parler du mouvement d'humanisation des naissances 25 ans plus tard? Et donc, est sortie l'idée de parler de l'appropriation de notre corps par les femmes. Comment pouvait-on parler de ça? Et donc, on est parti sur un thème qui était opération à nous, les sarraux, utilisant le sarrau comme symbole du système techno-médical. Mm-hmm. Et donc, disant, quand on disait à nous, les sarraux, ça voulait dire qu'on avait aussi la capacité d'avoir notre mot à dire comme femme sur le déroulement de notre accouchement, sur l'expérience qu'on allait avoir, sur où on allait accoucher, avec qui on allait accoucher. Et un jour, il fallait qu'on trouve un nom à notre groupe, et puis dans un élan de créativité est venue l'idée saraudeuse. Et donc, une saraudeuse un peu apparentée au mot saboteuse, mm-hmm. qui vient de l'ère ou de l'industrialisation des souliers, et les gens qui faisaient les sabots ont décidé, comme action militante ou communautaire ou quoi, de mettre leurs sabots dans les engrenages des machines qui fabriquaient des souliers. Et donc, nous, comme saraudeuses, on met notre savoir, notre point de vue, nos opinions dans l'engrenage d'un système qui veut trop médicaliser la naissance. Ça va-tu, ça? Oui! c'est un peu complexe, mais dans le, je dirais, dans le concret, ce qui est sorti, c'est qu'une soixantaine de femmes se sont rassemblées pendant plusieurs heures et ont pris des sarraux blancs et les ont repeints, retapés, écrit des messages, leur ont donné des noms. Alors, on avait des sarraux qui parlaient de la beauté de l'accouchement, comme il y en avait qui parlaient d'une expérience triste que des femmes avaient eue, et tout entre les deux. Il y en a qui les ont transformés en tailleurs, qui ont dit « j'ai pas besoin de sarraux pour accoucher, j'ai juste besoin de quelqu'un de régulier » qui va venir être présente avec moi. Fait que ça a été une très belle expérience, cet événement de créativité. Puis on s'est renouvelé un petit peu dans notre travail autour de l'humanisation des naissances. Puis justement, ça m'apporte à ma prochaine question. C'est quoi les thèmes justement que vous explorez dans le groupe des accouchantes? Mais voyez-vous, les accouchantes, c'est un peu être à l'affût de ce qui se passe dans les nouvelles. Donc, quand on a eu, par exemple, on en a une dans la gang qui fait des super bons dessins, et puis quand on a eu la grande vaccination H1N1 et que le ministère de la Santé et tous les C3S ont décidé d'annuler tous les rassemblements d'allaitement, il y a chaque année, dans la semaine de l'allaitement, il y a un événement où ils font comme un... Comment qu'on appelle ça, là? C'est comme... on peut compter combien de femmes ont accouché, tu sais, pour essayer d'avoir un allait-in, si on veut. Mm. Et là, ça a tout été annulé. Et puis, cette fille qui nous fait des bons dessins est allée faire un dessin... une femme qui tire son lait sur une foule de gens puis qui dit « vous allez tous avoir le H1N1 ». C'est comme si le lait maternel et un rassemblement comme ça auraient causé un problème. Alors, on questionne, on est ironique, on regarde, comme par exemple, quand une femme récemment a été mise en dehors d'un centre d'achat pour allaiter, mm-hmm. avoir allaité en public, le dessin qui est sorti, c'était, tu sais, une pub très sexiste, « Achetez donc nos jeans », mais comme ça, on accepte ça dans nos lieux publics, mais l'allaitement, non. Et prochainement, c'est ça, il y a un événement qui s'en vient, fait qu'il y a déjà des dessins pour parler de ça sur le site, le blog des accouchantes, c'est lesaccouchantes.blogspot.com. Mm-hmm. Donc, on interpelle ce qui se passe en actualité autour de la périnatalité. Et d'où vient votre inspiration pour toutes ces belles actions? Ça vient de 30 ans de lutte pour changer la situation puis de se rendre compte que c'est long. c'est long le processus. Des fois, c'est le processus qui compte et pas nécessairement la fin. On se rend compte que pendant 30 ans, il y a des centaines de milliers de femmes qui se sont senties pleines de pouvoir et de capacité de prendre des décisions autour de leur accouchement et leur vie comme nouvelle mère. Et puis, donc, on se dit, ben comment on peut renouveler ça? Ben, on s'inspire de ces luttes, de toutes ces femmes qui cherchent à faire respecter leurs droits. Et puis, quand on vient face à des obstacles et puis des fermetures d'esprit, comme par exemple sur le développement de la pratique sage-femme, on a peine et de misère à convaincre le ministère de la Santé que c'est eux autres qui devraient donner le mot d'ordre et donner l'argent pour que, et mettre l'argent collectif, notre argent, vers le développement de nouvelles maisons de naissance. Fait que on finit par, tu sais, comme sur le blog, il y a un petit sketch où les accouchantes jouent à la balle, puis tu sais, on voit très clairement, tu sais, un ministre qui dit « Tout va bien, j'aime les sages-femmes », et puis la directrice du centre de santé et services sociaux qui dit « Ben, pas de problème, mais ça nous prend une recherche ». Et puis, donc, quand un peu comme souvent les responsables et les dirigeants se lancent la balle, et puis les femmes se retrouvent au milieu de ça avec le non-respect de leur choix de d'accoucher où elles veulent, ben là, nous, on fait un sketch. Puis on en rit au lieu d'en pleurer. Mais justement, dans cette vidéo-là, on voit beaucoup vous utiliser la satire. Donc, c'est quoi la place que vous trouvez que l'humour et la satire peut occuper comme dans un mouvement d'humanisation des naissances? Ben, je dirais que dans tout mouvement, cette créativité, cette fantaisie, elle nous amène dans un langage plus grand que nous. Alors, par exemple, si on pense au mouvement gay, les parades et les choses comme ça, où les décorations puis les costumes sont plus larges que vrai, nous font sentir, je dirais, la joie de vivre et puis la folie de ce choix-là. Et tout en même temps, on devient sensibilisé aux injustices et aux choses que vivent les gens homosexuels. Donc, dans le cas d'une, j'utilise cet exemple parce que c'est un exemple très visuel qui, dans les 20-30 dernières années, on a vu évoluer la vision que la société avait, l'ouverture de la société à changer des lois et à respecter les droits. Donc, quand on parle de l'humanisation des naissances, si ça fait 30 ans qu'on travaille, c'est que le système qui lutte contre nous est très, très, très fort, très puissant. Donc, on pourrait être déprimé, découragé, même abandonner notre cause parce que ça n'a pas l'air avancé. Mais l'humour, le satire, la créativité, la déconstruction, ça fait qu'on en rit et on devient presque inspiré à continuer à lutter. Je pense aussi à des groupes comme Greenpeace qui ont utilisé beaucoup l'art pour exprimer leurs préoccupations sur l'environnement. Mm-hmm. Puis, c'est quoi la démarche artistique apporte à votre groupe? Ben justement, c'est ça. Ça apporte comme un courage à continuer, je dirais. Puis, au lieu de marcher dans les rues avec des pancartes puis de manifester comme on a fait il y a 30 ans, quand on fait des happenings puis des sketchs puis des dessins puis des pièces puis qu'on on fait même des faux communiqués où on fait semblant d'être un ministre ou d'être quelqu'un qui prend position publiquement et qui l'ironie là-dedans nous amène je dirais le courage de continuer. Mm-hmm. Puis c'est quoi vous pensez de la place de l'art dans un mouvement social? Mais c'est que c'est un autre niveau de langage. Hein? C'est, je dirais que, tu sais, quand je pense à l'art communautaire, j'ai vu certains exemples. Ça peut être la photo, ça peut être le dessin, le théâtre, la musique. Comme par exemple, dans les Sarraudeuses, j'ai composé une chanson pour les Sarraux et pour l'événement. Et puis, c'était basé sur l'expérience des femmes, donc avec leurs mots, on exprimait par la musique une vision de ce qu'on voulait, puis un peu une dénonciation, mais avec un autre médium qui est l'art. Alors, je crois que l'art a le pouvoir de transformer notre monde, puis de changer les paradigmes, parce que quand moi je te parle à la radio comme ça, c'est une chose, mais quand on est en, dans un sketch ou dans un happening ou dans quand tu vois le dessin qu'une fille a fait, ça fait son effet et ça nous fait cheminer autrement. Mm-hmm. Puis justement, tu parles du dessin, le théâtre, donc c'est quoi les moyens que vous utilisez pour vous faire entendre? Mais on continue les autres moyens parce que, tu sais, le concept des intelligences citoyennes a quatre penchants. Il y a le témoignage, l'argumentaire et il y a aussi la revendication, mais il y a la déconstruction. Donc, on continue de déposer des mémoires, de faire des pétitions, de rencontrer des politiciens, des décideurs, de faire des coalitions, de participer à des mobilisations, de faire des formations de sensibilisation. On fait toutes ces choses-là, mais quand on y ajoute le côté humour, le côté art, ça nous amène une dimension de plaisir, de joie, de... Qui n'a pas vu une manif avec des tam-tams puis des gens tout décorés, costumés? Écoute, ça devient... On demande ce qu'on veut, mais dans la joie de ce qu'on imagine que le monde devrait être. C'est un peu ça. Mm-hmm. Puis, c'est ça, ben, tu mentionnes les stratégies plus formelles, si tu veux. Donc, c'est quoi en quoi vos actions ont une portée sociale différente comparée aux autres stratégies? Ben, aux stratégies formelles... Je dirais que peut-être l'art communautaire est vraiment au service de la personne qui vit l'injustice. Mm-hmm. C'est une façon d'exprimer cette injustice qui interpelle le public, les décideurs, différemment. J'essaie d'imaginer les causes, et toutes les causes peuvent utiliser c'est l'art comme moyen pour exprimer ce qu'ils vivent. Ça peut être très personnel aussi. Je connais une femme qui travaille avec les femmes sans-abri puis qui fait des ateliers de photos avec elles. Et là, les femmes se promènent et apprennent comment prendre des photos. Et là, nous, en regardant les photos qu'elles ont prises, on voit comment elles voient le monde. On les connaît un peu mieux comme êtres humains et on transforme notre vision de qui elles sont. Et elles, en exprimant ce qu'elles voient de façon artistique, elles deviennent une actrice. Je pense à... j'oublie son nom, là, l'artiste brésilien. Il y a un film qui est sorti récemment où il est rentré dans les dépotoirs avec les gens qui collectent les vidanges et il a fait des œuvres d'art avec eux. Et ça a transformé la vie de ces gens-là. Des fois, quand on est dans une souffrance et qu'on est comme... envahi par cette injustice ou cette souffrance, il y a que l'art qui peut nous aider à nous en sortir puis à nous éveiller. Mmh. Ouais. Mais en même temps, je t'avoue là que tu sais, moi je suis artiste, je suis chanteuse et je travaille depuis 9 ans dans l'humanisation des naissances par ma passion personnelle pour la cause et puis je suis rassembleuse, mais les gens qui me connaissent, ils savent que j'ai un côté fou, puis que j'ai un côté, je dirais, très créatif là, dans tout ce que je fais, dans les ateliers, les présentations, les choses comme ça. Puis, ça peut surprendre les gens, parce que je me suis déjà, tu sais, j'ai déjà chanté devant des syndicats, devant des décideurs, devant des femmes qui étaient venues pour entendre une conférence, fait que ça déboussole. La musique ou le chant ou l'art ou j'ai déjà porté un des sarraux que les femmes avaient produit pour une présentation sur les luttes des femmes sur la santé. Mm-hmm. C'est l'historique des luttes et des gains des femmes en santé en lien avec la maternité. Ben là, quand tu arrives avec ça, ce sarrau-là, ça réveille les gens. Mm-hmm. Ils sont dans une autre place de réceptivité. Mm-hmm. Ben justement, c'est quoi la réaction du public face à vos actions? Ben, la majorité du temps, c'est bien. Mais selon où ce qu'on est, ça peut avoir un effet différent. Alors, nous, on peut penser qu'on est toutes douces puis on fait une action qui offusque pas. Mais dans un certain contexte, ça peut offusquer les gens. On a fait une action à un colloque récemment. Donc, tu sais, voici un exemple. Une femme nous a raconté son histoire où elle a eu plusieurs touchés vaginaux pendant son accouchement. Et puis, elle était frustrée de cette situation-là, puis elle nous expliquait son sentiment personnel. Et puis elle disait, tu sais, mon corps n'est pas une autoroute. Tu sais, une autoroute, tu demandes pas la permission, tu passes dessus, mais une femme et son corps, il faut respecter son intégrité. Fait qu'on a, on s'est déguisé avec des sacs de vidange noirs, avec des lignes blanches pour représenter l'autoroute, puis on avait écrit « Mon corps n'est pas une autoroute » sur le sac, puis on portait des masques blancs, tu sais, les masques neutres, là. Mm-hmm. Et puis, on passait à ce colloque-là des petites cartes sur lequel on avait mis une petite autoroute, on avait répété la phrase, on avait mis les accouchantes, le lien vers le blog. Et de l'autre côté, on avait des phrases que nous, on trouvait, tu sais, fines, gentilles. Mm-hmm. On avait des phrases, je suis capable d'accoucher, mon corps sait quoi faire, etc. Mon bébé sait quand c'est le temps de venir. C'était des affirmations. Mm-hmm. On avait décidé qu'on allait faire ça dans ce sens-là. C'était pas drôle, c'était quand même revendicateur, mais plus affirmatif que de dire, d'accuser qui que ce soit de ne pas nous avoir respectés. Mm-hmm. Et il y a des gens qui ont juste rigolé, il y a des gens qui ont souri, il y a des gens qui ont dit non merci, je veux pas de petite carte, puis qui nous ont regardé comme si on était, on avait un trou dans la tête, on était fous là, mais on n'obligeait personne à prendre notre petite carte. Et puis, mais certaines personnes ont été très offusquées, voire même blessées qu'on fasse un telle action dans ce colloque, parce que dans le fond, le colloque avait comme objectif de rassembler des femmes et des infirmières et des médecins et tout le monde dans une optique de mettre de côté nos différences et de parler ensemble pour améliorer pour mettre la physiologie de la naissance au cœur de nos actions. Et puis le colloque a duré 2 jours, a définitivement atteint ses objectifs dans ce sens-là, mais qu'on fasse cette action citoyenne, pour certains, c'était comme une violence. Donc, c'est pas tout le monde qui est capable de voir le bénéfice de cette expression-là et de comprendre que tu sais, on demande pas la permission pour faire une action citoyenne, on l'a fait, là. Mm-hmm. Il y a un petit côté de désobéissance civile aussi. Ben oui, ça c'est sûr. Et justement, comment les actions des accouchantes viennent s'inscrire dans le mouvement de l'humanisation de la naissance? Ben, c'est un peu un côté, un défoulement pour les filles qui travaillent longtemps sur, comme je vous ai dit, tous les aspects plus formels d'un mouvement. Et puis, c'est aussi une façon de permettre à d'autres personnes de se joindre à ce mouvement à des moments... pas nécessairement en devenant travailleuse dans un regroupement, ni en devenant comme membre du regroupement. Elles peuvent participer aux actions des accouchantes et y contribuer leurs idées, leur inspiration, et puis embarquer dans cette chose-là. OK, puis tantôt, tu m'en... Mais comment ça s'inscrit dans le mouvement? Oui. C'est juste, c'est une autre forme d'expression créative, et peut-être... Demain, ça n'existera plus, mais peut-être que ça va se transformer, parce que dans le fond, les accouchantes, c'est les suites des saraudeuses, et puis on verra qu'est-ce qui va venir après. Je sais qu'en France, il y a des filles qui sont sur, sont en ligne aussi, et puis on met on met des liens vers ce sont les déchaînées en France, puis elles font des petits sketchs, puis elles sont comme un peu semblables aux accouchantes. Elles, avec l'ironie, elles dénoncent les injustices ou le manque de mouvement par rapport aux décideurs pour changer la situation autour de l'accouchement, là. Mmh. Fait que c'est... comment ça s'inscrit? C'est une forme comme une autre, mais une forme qui fait beaucoup de bien. Oui. Puis justement, tantôt, tu parlais de la désobéissance civile. Mm-hmm. Comment les actions des accouchantes viennent s'inscrire dans cette idéologie-là, cette pensée-là? Bien, laisse-moi penser. Pour le moment, nous n'avons pas fait d'action qui aurait pu, par exemple, amener une accouchante à être mise en prison ou arrêté par la police ou quoi que ce soit. On a juste fait des actions dans nos événements où, tu sais, on n'a pas été sur la place publique, sauf pour le colloque dont je vous parlais. Donc, c'est plutôt des actions théâtrale ou pour faire comme réfléchir le public. Donc, moi, tu sais, je connais par exemple des groupes, un groupe qui s'appelle Utile et qui utilise le théâtre sur la place publique pour faire réfléchir la population. Mm-hmm. Et, tu sais, elles ont fait des actions dans les métros, dans les arrêts de métro, sur les coins de rue. Donc, c'est comme un théâtre inséré, un happening, une intervention, une chose qui peut se faire sur la place publique. On peut carrément juste laisser des petits post-it, je pense. Dans le fond, l'action où des femmes font mettre des collants sur des publicités sexistes et qui disent « c'est abat les publicités sexistes mm-hmm. », c'est un peu, c'est poser un collant sur une pub, ça pourrait être vu comme une action illégale. Mm-hmm. Hein? Oui. Mais c'est aussi une action pour faire réfléchir les gens. Mm-hmm. Pour le moment, les accouchantes n'ont pas fait d'action qui s'apparente à la désobéissance civile, mais il y a un côté qui est, ben, on s'exprime, puis des fois ça peut être cru, puis on se baïonne pas. Mm-hmm. Puis c'est quoi vos projets à venir? Ben là, demain, il y a une action des accouchantes. Je pense que tu es au courant. Oui. On va participer demain à une grève de l'accouchement lors du lancement du manifeste d'un groupe qui est membre du regroupement Naissance-Renaissance. C'est le groupe Maman qui ont rédigé un manifeste sur le droit des femmes à l'égard de leur maternité. Donc, qui... En gros, revendique le droit des femmes de choisir où et avec qui elles vont accoucher et comment elles vont accoucher. Et donc, il y a plein de gens qui ont signé ce manifeste-là. Et nous, demain, ben, le manifeste sera lancé par le groupe Maman. Mm-hmm. Et on est quelques accouchantes qui seront présentes. C'est elles, d'ailleurs, certaines filles dans ce groupe sont des accouchantes aussi. Fait que leur idée de faire la grève de l'accouchement, c'est de dire, dans le fond, tant que les femmes n'auront pas ce qu'elles veulent, elles n'accoucheront pas. Mm-hmm. Alors, imaginez l'ironie de la chose si les femmes pouvaient carrément faire une grève d'accouchement. Ça changerait la société, ça affecterait la société. Mm-hmm. Mais tu sais, c'est comme une chose symbolique. Mm-hmm. Et donc, on sera là demain, quelques-unes de nous habillées en vieille en disant là, mon Dieu, il me semblait que j'étais enceinte, mais là je fais la grève de l'accouchement. On va se joindre aux autres filles qui eux vont carrément je dirais ils ont une action surprise. Je vais pas dire c'est quoi leur petit sketch surprise qui va se faire avec le lancement à la conférence de presse demain. Ben, je te remercie beaucoup, Lorraine, pour nous avoir accordé cette entrevue puis nous avoir ouvert la porte sur le monde des accouchantes. Oui, puis ben, n'importe qui peut aller voir ce qu'on a mis sur le blog. Et puis, que ce soit militantes féministes ou qui veulent prendre conscience des enjeux qui entourent la naissance, là, ils peuvent voir le blog et puis participer à des actions qu'on va faire aussi. Bon, ben, je te remercie. Okay. Pour répéter l'adresse du blog, c'est lesaccouchiantes.blogspot.com. Fait que justement, comme Lorraine le mentionnait, il y a l'action demain organisée par le groupe Maman, qui est la grève de l'accouchement, qui est à l'UQAM au 320 Sainte-Catherine-Est, salle DS3375 au pavillon J.A. de Sèvres au troisième étage. Que vous êtes invité à venir avec votre vraie ou votre fausse bedaine cadenassée en symbole de votre grève de l'accouchement. Il va y avoir un point de presse et performance surprise qui est prévu. Fait que... je vous invite à l'émission de la semaine prochaine sur le thème de l'alimentation et la maternité. Fait que Connaître ensemble est diffusé en direct tous les jeudis de 10h à 11h sur les ondes de C'est fou 89.1. Et c'était ici Jessica Boulanger qui vous dit au revoir et à la semaine prochaine sur les airs de Mathilde par Jimmy Hunt. Sur les ondes de C'est fou, voici maintenant le bulletin de nouvelles de la première chaîne de Radio-Canada.